mes monnaies dans ma gueule et les tiens meurent dans mes oreilles. J'ai brûlé mon orgueil, mais c'était ma seule étincelle. J'ai des manteaux de souvenirs, et puis j'ai froid quand j'oublie. J'ai pas eu le temps de tout dire, t'aurais même pas pris le temps de tout lire. Pourquoi ils me regardent tous? Devant eux, je suis mal à l'aise. J'ai bien envie de te rejoindre là où t'es, mais je crois que j'ai pas l'adresse. J'ai besoin qu'on me comprenne sans que je paye. Rien de personnel. Quand je perds le sommeil, c'est que je pense à toi ou je pense à faire l'oseille. J'en ai des cauchemars dans mes rêves. Mes sentiments ne se lisent pas sur mes lèvres. Du mal à dire ce que je ressens au fin fond de mon être. Et des moments qui seraient moins rares si on les revivait. Alors je préfère pas, ils sont bien là où ils sont. Ils disparaissent pas comme l'horizon. Comme sur du sable ou sur de la neige, le temps viendra balayer les traces. Y'a rien que le temps n'efface. Je suis bien quand t'es dans mon espace. Mais toi t'es qu'un bluff, moi qui pensais avoir le carré d'as. Toi t'es qu'un 9, je dirais même un 8, 7, 6, 5, je sais même plus où m'arrêter. Pleine de vices, tu joues au bonto avec la vérité. Je faisais la voix, tu faisais le piano. C'est donc ça le revers du médaillon. C'est ça le revers du médaillon. C'est ça le revers du médaillon.